messages d'amour, ne serait qu'au mensonge. Cléopâtre, oh, ce voile les yeux, l'enivrant et subtil parfum de sa chair qui demeure endormi. Oh, pouvais-tu mentir quand tu traçais ces lignes? Quand tu traces ce rire.